à tout va, certains ont sorti le calibre. La panique et le fracas de l'homme dans sa condition n'est plus libre. Se trouver au plus bas de l'échelle sociale, subir les coups portés sans pouvoir lutter fait mal. Le nouvel ordre est mondial, la nouvelle croisade s'installe dans la morale, dans les banques et les stades. À force de nous pousser, nous inculquer leurs principes, le peuple manipulé ne croit plus en la politique. Rap authentique, cynique, qui s'imbrique dans son époque. Car notre but est de mettre en pratique, agir en électrochoc. Bouger les tendances, redonner confiance, faire prendre conscience de ce qui se passe au plus haut niveau et pas qu'en France. Alors refrain, que vas-tu faire? Dormir ou détruire? Ils jouent avec la terre, les mers et l'air qu'on respire. Six jours par idylle, Dieu pour créer le monde. L'homme est plus audacieux, il le détruit en 6 secondes. Les hommes de l'ombre, les hommes de l'ombre, les hommes de l'ombre, les hommes de l'ombre, quel est leur nombre? Les hommes de l'ombre, les hommes de l'ombre, les hommes de l'ombre, les hommes de l'ombre, quel est leur nombre? Tout se trouve sous forme de symboles, qui si en interpréter le sens comprendra le rôle et l'essence. Ainsi la création d'une Europe unie n'est plus une utopie. Depuis 20 ans le cercle de Présaux en passant par Vichy. Le but final sont les États-Unis d'Europe depuis Churchill. La CUE s'invite comme la CIA de Will Bill. Continue d'investir le Vatican grâce aux renseignements de prélats corrompus par l'argent. Inquiétant comme la loge P2 de Licio Gelli, lui-même en lien étroit avec les Illuminati. De l'Opus Dei au MI6 au groupe de Zappelli. La machination ne se limite pas à l'Italie. Chaque pays est concerné, chaque intérêt bien pensé. T'en trouveras des traces laissées depuis les Templiers. Éparpillées dans l'histoire, comme chaque guerre et chaque bombe. Les sociétés secrètes reflètent les pensées des hommes de l'ombre. Le monde leur terrain de jeu, les hommes des pièces à bouger. Nos vies importent peu au pouvoir politique secret. Ils façonnent les démocraties sous la conspiration, maintiennent les dictatures, instaurent la globalisation. Il y a des guerres tranquilles aux armes silencieuses, manipulation médiatique aux influences vicieuses. Les hommes de l'ombre agissent, on va pas tous les citer. En France on a même regard pour ces vers à l'étranger. Les hautes sphères économiques ont depuis longtemps tissé leur toile. Du groupe de Bilderberg à la commission trilatérale, le FMI, l'OMC, OCDE gère le fric. Maggi et Jason Group, militaire ou scientifique. On va pas parler de la NSA ou du FBI, de l'ONU, Interpol pourri jusqu'aux entrailles. Pas là pour la leçon, mais pour te faire prendre conscience que la réussite de leur plan se tient à ton ignorance.